ciel de Noël, de ville ciel de Noël, de ville ciel de Noël, de ville. De Noël, de ville qui vient de Noël, de ville qui vient de Noël, de ville. Oh, hop, une joie, ça va. Oh, hop, une joie, ça va. Oh, hop, une joie, ça va.